Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit RZA. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. En direct avec RZA, c'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée. Bienvenue dans Planet Rap entre 20h et 21h. Monsieur RZA est là, comment ça va? Bah, ça va très bien toi. Bienvenue dans ton Planet Rap pendant une semaine. Merci, merci. C'est à toi. C'est à moi, ça y est. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Ça va être la fête. Bon, ça se passe bien? Très très bien. J'ai l'impression en tout cas. Ouais, ça démarre plutôt bien. Il y a beaucoup de réactions, donc on est assez content. L'album s'appelle L.O.V.E. Love. Love, voilà. Beaucoup d'amour cette semaine. Il en faut un petit peu, ça fait et du bien, puis, non? Et puis surtout, on va faire connaissance avec toi, RZA. Il y en a certains évidemment qui te connaissent, hein, qui te suivent depuis un bon petit moment. Il y a une petite team hein, derrière qui grandit de jour en jour d'ailleurs, hein, derrière toi. Ouais, c'est grâce à eux qu'on est là d'ailleurs. Et bon, on va pouvoir faire connaissance avec RZA sur Skyrock juste avant pour mieux faire connaissance. Voici un petit medley de ton album qui est sorti aujourd'hui. Planet Rap. Dans ton coin, moi c'est barré. On a refait nos vies à ce qui paraît. Et comment ça se fait qu'on se rappelle? Je pense à toi, c'est trop. Oh, c'est chaud. Oh, oh. Moi je veux crier, être oublié. Prendre le temps de retrouver. Oui, je veux crier, être oublié. Mais tu me manques, je peux pas le nier. Toute la nuit en fait, je cogite. Des pensées emprisonnées. Toute ma vie en fait, je cogite. Qu'est-ce qui m'empêche de me planer rap? Because to my eye, je paye mon coup, je régale. On kiffe jusqu'au bout de la nuit. Because to my eye, on se fait du bien, y'a pas de mal. On a qu'une vie donc moi je profite. Je kiffe toute la vie. J'ai qu'une envie. Pour te retrouver, je donnerai tout. J'étais le seul qui bougeait pour toi. T'as tout foutu en l'air alors qu'on s'aime. Dis-moi pourquoi, dis-moi pourquoi. Planet Rap, Planet Rap. Si tu veux de moi, je serai de taille, c'est promis. Je te donnerai tous les codes et confiance en moi. Je saurai assurer toute la nuit. Hey. C'est qu'à quelque chose, tu veux mon cœur, tu mes pesos. Si tu sais yo, point gamos. Une petite femme, chérie vamos. Toute ma vie, je t'emmènerai. Dans mon cœur ou dans ma tête. Ensemble prenons la route, on s'en va. Elle m'a changé, je vais finir par me ranger. J'avoue, elle m'a changé. Planet Rap. Que rien ne pourra te remplacer. Je regarde le temps passer. Comment pourrais-je t'oublier? L'impression d'avoir le cœur cassé. Je ne peux plus avancer. Pour toi j'aurais tout donné. Je vois cette blonde, elle a tout ce que j'adore. Tout le monde me dit qu'elle va me faire tomber. Je reste sur mes gardes, je ne perds pas le nord. Par amour j'ai des potes qu'on finit par sombrer. Si tu parles à son mec, tu finiras sans mec. Si tu parles à son mec, tu finiras sans mec. Pense me la mettre, tu finiras sans mec. Mais toi arrête ton bluff, tu finiras sans mec. C'est RZA toute la semaine dans Planet Rap avec cet album qui s'appelle Love, avec un petit aperçu à l'instant. Le medley, ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu. Et oubliez pas de réagir avec le hashtag RZA sur Skyrock. Hein. Ouais, balancez plein de messages. Allez-y, dites-nous ce que vous pensez si vous connaissez le garçon. On va faire connaissance, je disais, avec toi. Voilà. Il est grand temps, je crois, de nous rappeler un petit peu ton parcours, RZA. Donc, toi, tu viens du 45. Voilà, je viens d'Orléans, du 45. Orléans. L'aventure dans la musique commence quand pour toi, RZA? Elle a commencé il y a 5 ans sur YouTube. Donc, je faisais des sons un petit peu plus urbains au début, rap. Mmh. Puis, à un moment, j'ai décidé de faire un son Love pour tester comme ça. Et tout de suite ça a pris, donc je surfe sur la vague maintenant depuis 5 ans. Donc c'est quoi, comment que tu qualifies ta musique, ce que tu fais comme album qui vient de sortir aujourd'hui? Bah là c'est autour du love, comme le dit le titre de l'album, donc c'est autour du love. Après il n'y a pas que ça, mais c'est principalement du love sur plusieurs rythmes différents. Tu as raison, on a besoin d'amour en ce moment. Voilà, il en faut un petit peu. Il faut donner beaucoup d'amour en ce moment. Donc 5 ans ça a commencé la musique. Exactement, il y a 5 ans. Ouais. Tu fais partie de cette génération évidemment qui se fait connaître par internet, hein, voilà, pareil, où très vite les gens vont adhérer. Ça va, après, pas pour tout le monde. Mais là, moi, ça va. Non, mais quand je dis adhérer, c'est-à-dire qu'il y a, des vues. Ouais, ça va, ouais, ça va. Après, on aime, pas. Chacun se fait son avis, mais en tout cas, ça vient cliquer sur toi. Ouais, la chaîne YouTube, elle est à plus de, 65 millions déjà, donc, donc ça va. Les gens ont l'air d'apprécier. Bah, je pense. Tiens, dites-nous d'ailleurs ce que vous pensez si vous connaissez Ritza. Comment vous l'avez découvert, vous aussi? Tiens, dites-nous avec le hashtag Ritza sur Skyrock. Yes. Et donc, petit à petit, l'aventure sur ces 5 dernières années, c'est quoi? T'as sorti aussi des projets? Il y a eu un projet qui était sorti? En fait, au début, j'étais assez seul. Donc, je travaillais seul. Je faisais moi-même les clips, tout ça. Et puis après, bah, dès que j'ai signé avec Justin Records, on a commencé à faire un premier album. Et depuis que je suis signé chez Justin, tout va plus vite, en fait. Tout est plus cadré, donc c'est plus facile d'avancer, en fait. Qui t'a mis dans la musique, toi? C'est quoi? C'est dans la famille ou c'est... Non, c'est venu comme ça, en fait. J'écrivais beaucoup depuis l'âge de 16 ans. Et puis un jour, on m'a dit, pourquoi t'essayes pas d'aller en studio? Et j'ai sur les sons, sur les prods, comment tu fais quand on est à Orléans, quand on est devant son ordi, quand on commence à chanter, à rapper, on se démerde? C'est quoi? C'est de la face B au début? Voilà, au début, j'ai commencé sur des faces B, comme beaucoup. Et puis après, bah, avec le... Plus tu te fais connaître, plus les gens te contactent, c'est plus facile de demander certaines prods. Donc voilà, ça va tout seul. Et dans un instant, tu nous présenteras. Tu n'es pas venu tout seul. Non, je suis venu avec deux amis, des jeunes humoristes qu'on va présenter dans un instant sur Skyrock. Juste avant, on va mettre un son. Ça, c'est un son qui est dispo sur l'album, mais en téléchargement. Voilà, c'est ça. Légal, je précise. Exactement. C'est un morceau avec Kenza Farah. Le morceau s'appelle Yé. Yes, c'est ça. Allez. On a pris mon cœur pour ça, ça n'est pas pour moi. Je me suis fait des films, je connais déjà l'histoire. Tu me trouveras distant, ne me demande pas pourquoi. Quand on m'a tendu la main, moi j'ai souvent dit au revoir. J'ai toujours tout donné, crois-moi j'ai très peu reçu. Au final jamais été comblé, à chaque fois déçu. J'ai essayé d'y croire, j'ai fini perdu. Je voulais rester loin mais ton attention perdure. Oui j'avoue, oui ça tourne, je joue des tours, je deviens fou. À moi oui j'avoue, oui ça tourne, je joue des tours, oui des jours. Quelle est dans mes fous, je suis pas facile à gérer. Je vais faire des efforts, ok, où t'iras, j'irai. Mis en mode, je suis pas sûr, mais au moins j'essaierai. Je sais que t'es pas comme les autres, pas là par intérêt. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées. Liées. Liées, liées. Oublie tes craintes et tes faux pas. Mal à faire confiance, sans en devenir parano. L'amour m'a ouvert ses bras, j'ai fini par prendre un chaos. Toutes meufs dans ma vie ont voulu me passer l'anneau. Direct j'ai pris la fuite, j'ai bloqué des numéros. Mais toi t'es différente, tu contrôles mes faits et gestes. Quand tu me parles c'est flou, j'oublie tout et je suis à l'ouest. Attends, je me laisse prendre, j'avoue qu'au fond ça me plaît. Si t'y crois on y va, pas du genre à retourner ma veste. Oui j'avoue, oui ça tourne, tu me joues des tours, je deviens fou. À moi oui j'avoue, oui ça tourne, tu me joues des tours, nuit des jours. Je t'appartiens, on fait les choses bien. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie qu'on parte loin. T'auras gagné quand tu contrôleras mes humeurs. Tu m'as convaincu, tous les chemins mènent au bonheur. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées. Skyrock et c'est Planet Rap avec Ritza, Kenza Farah sur ce morceau. Voilà. Un morceau qui s'appelle Lié. Il y a le clip qui est dispo aussi, on peut mettre. Exactement, sur YouTube, déjà plus de 200 000 vues. Quelle arrogance. Non, je précise. Non, mais c'est bien, en tout cas, t'arrives à quantifier d'ailleurs quand tu me disais tout à l'heure, ouais, j'ai 65 millions de vues. T'arrives à dire, putain, on a cliqué 65 millions de fois sur mes morceaux. C'est vrai que quand tu prends du recul, c'est étonnant. Tu te demandes, mais ils sont où ces gens qui fait ça vraiment? Mais bon, ça fait super plaisir en tout cas. Bon, il y a une team en tout cas derrière toi, je le disais, qui s'est construite petit à petit, qui est là, qui grandit de jour en jour. Exact, ouais. Et qui t'a propulsé déjà 7e des ventes, hein? Ouais, 7e là, c'est bien, on va. Ouais, c'est bien. On commence bien, on va dire. C'est sorti aujourd'hui. Sorti, voilà, sur les téléchargements, les réseaux de téléchargement légal. On peut aller, il fallait aller cliquer de toute façon. Voilà, cliquer, c'est tout. Pour récupérer l'album Love de Ritza, et vous retrouvez donc en plus ce morceau lié, c'est ça? Voilà, que sur la version digitale. Que sur la version digitale et clip, donc qui est dispo. Exact. Présente-nous tes amis, tes joyeux compagnons qui sont venus avec toi, Ritza, ce soir. Bon, alors les invités là, c'est Farid et Oussama, donc c'est deux jeunes humoristes. Et aussi, pareil, ils sont en train de tout déchirer sur la net. Ils viennent des réseaux et aujourd'hui on parle que d'eux. Ils sont passés, ils commencent à faire certaines télés et tout, donc ça va bien pour eux. Ça va, messieurs? Ouais, tranquille, et toi, frère? Ça va en pleine forme? Ouais, en pleine forme. Laisse-moi parler, frère. Ah, ça commence, tu vois. Il y a déjà un clash dans le groupe, dans l'équipe, quoi. Ils ont besoin de parler. Et bah, parlez un petit peu de nous, Farid Oussama, de vous surtout. Parlez un petit peu de vous, votre parcours. Parlez-vous, ça a commencé quand les vidéos? La toute première vidéo qui a été postée, c'était quand? Il y a un an. Un an pile poil. Un an et deux mois. Un an, ouais, deux mois. Exactement. Exactement. Donc c'est quoi? Vous êtes potes? Vous dites, tiens, on pourrait faire des petites vidéos? On a commencé la première vidéo en même temps. Voilà. Ouais, pour être très précis. Très précis. Ouais. Et alors? Et ça a cartonné. On a continué. On a continué jusqu'à maintenant. On a pas arrêté. Tous les jours, on envoie des vidéos. Donc c'est quoi? Ouais. C'est y a un rythme qui est quand même régulier. Il y a. Non, en fait, tous les jours, en fait, c'est du one shot. Tous les jours. Tous les jours, vous trouvez des trucs. Quand on a une idée, on balance. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu quoi? Aujourd'hui, il y a eu, rien du tout. Aujourd'hui, rien. Ok, les mecs, tous les jours. Oh, mais aujourd'hui, c'est lundi. C'est lundi, on y va tranquille aujourd'hui. Voilà, c'est ça, ils sont. T'as bien vu, ouais. Ils enchaînent. Votre chaîne, c'est où pour vous suivre, pour découvrir? Facebook, Oussama El Fatmi. Et ma page Facebook, c'est. Enfin, mon compte Facebook, c'est Farid Ben Salah. Vous venez d'où, vous, messieurs? Moi, je viens de Garges-lès-Gonesse. Grigny. Vous êtes rencontrés, vous diffusez donc vos vidéos sur le web, on peut les voir un peu partout. Exactement. Tout à l'heure, vous nous ferez non pas une vidéo ou presque, hein, parce que les images sont aussi sur le site, sur l'appli Skyrock. Ouais. Souriez, les gars. On a. C'est des beaux gosses qu'on a cette semaine, allez-y. Qui est le plus beau, dites-nous? C'est toi le plus beau, Fred. Farid Oussama ou Ritza? C'est Fred le plus beau aussi. Ne me flattez pas, c'est ça bon. Ça ne va pas, pauvre Essel. Vous balancez avec le hashtag Ritza sur Skyrock. Allez-y, Ritza, on t'a aussi découvert. C'est vrai, moi, celui qui m'a beaucoup parlé de toi, c'est DJ Case, hein, qui est tous les dimanches sur Skyrock dans Rail Suprême. Ouais, DJ Case qui m'avait invité sur son album Paris au New York. Avec son mec. Sans mec, sans meuf. Et sans avec meuf. Un son avec Tarasana aussi qui s'appelait Dima. Et voilà, donc avec lui, ça a bien aidé, on va dire. Bon, et ben, salut Case, qu'on retrouve tous les dimanches soirs d'ailleurs pour Rail Suprême. Peut-être cette semaine, on sait pas. Ouais, mais il est tellement partout, le mec. Il est tout le temps là. Il est tout le temps demandé. Qu'est-ce qu'on met comme morceau, Ritza? Quel morceau veux-tu faire découvrir à ceux qui vont aussi te découvrir ce soir et dans l'émission entre 20 et 21? Et il me semble que c'est On s'est perdu. On s'est perdu? Ouais, c'est ça, ouais. Un petit mot sur ce morceau, il est né quand? Il est né comment? Lui, ça a été un des premiers sons que j'ai fait de l'album. J'ai commencé l'album, le deuxième, je l'ai fait en début juillet. Après, j'ai eu une pause pendant les vacances. Et en fait, j'avais enregistré que deux sons, dont celui-là. Et on a décidé de le lancer en single avant la sortie de l'album. Il s'était bien classé dans le top 10 et tout, donc les gens ont l'air de l'apprécier. Donc, bah. Je vous ai pas demandé, Farid Oussama, un petit avis quand même sur Ritza. Ah, Ritza, il est lourd. C'est du lourd. C'est lourd. Rien à dire. Très, très lourd. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Donc, l'album, petite chronique de l'album par Farid Oussama. Quels sont vos morceaux, les titres qu'il faut pas louper, les morceaux qui vous rendent love? Franchement, Ritza, je veux pas te décevoir, mais j'ai écouté qu'une envie. T'as vu ses amis là? T'as vu ses amis là? Ah, mais tu les invites? C'est pas grave. Au moins, il est sincère. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc vous allez pouvoir découvrir à chaque fois que vous allez réagir sur les morceaux, messieurs. Il n'y a pas de souci. Je compte sur vous. Yes. Ils réagiront après. Écoutez bien, on s'est perdu. Vous aussi réagissez avec le hashtag Ritza sur Skyrock. C'est notre invité tous les soirs dans Planète Rap. Yes. Que fais-tu, où es-tu? Est-ce que tu penses à moi? Et sans toi, ouais, c'est dur. Je suis perdu sans tes bras. Trop rancunière pour m'avouer que je te manque. Mais je te connais par cœur, je sais quand tu mens. Dans ma tête, y'a tous nos délires. Non, j'ai pas tourné la page, fais que la relire. Te voir avec un autre, c'est impossible. Mais t'avoues, tout ça, c'est pas mon style. Toi et moi, on le sait qu'il y a toujours un espoir. Quand on commence un livre, on finit l'histoire. On s'écrit tout le temps, on provoque la jalousie. Je te dis que cette fille est belle, mais elle t'arrive pas à la cheville. Sur mon tel, quand ton nom s'affiche, j'ai le sourire aux lèvres, plus rien n'existe. Je relis nos messages, je pense au passé. On était si bien, dis-moi ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la vie nous a séparés. Tu souffres dans ton coin, moi c'est pareil. On a refait nos vies à ce qui paraît. Comment ça se fait qu'on se rappelle? Je pense à toi, c'est trop. C'est chaud. J'en peux plus, c'est trop. faisait le mien. Souvent je pense à toi, est-ce que tu pars ou tu viens? Toujours voulu te revoir, jamais te dire au revoir. Un signe, un espoir, on se retrouvera. Au fond de moi c'est la crise car on perd du temps. Trop dur de se faire la bise, je sens que tes lèvres tremblent. Si tu me tends la main, c'est ton doigt que je prends. Arrêtons les bêtises, laissons-nous une chance. Viens, on se voit, on se retrouve, viens, on parle, on se promet. Que plus jamais on se retourne et qu'on visera le sommet. Tout ce temps éloigné m'a paru si long de nouveau rassembler. On s'en fout de tout le monde, dis à tes mecs qui te faisaient la cour. D'aller jouer plus loin, d'aller faire un tour. T'es à moi, je suis ton homme, ton pote, ton frère, tout à la fois. Je te donne mon corps, mon cœur, tout est à toi. Parano, par amour. Pardonne mes maladresses, c'est trop beau pour être vrai. Parano, par amour. J'ai beau t'aimer à mort, je ne sais pas comment faire. Je suis sûr, c'est qu'avec toi, je suis pas le même. Je suis devenu un homme avec la plus belle des femmes. Le passé, son messagerie, je crois que le bonheur m'appelle. Je nage dans un paradis en oubliant les flammes. Aujourd'hui, la vie nous a séparés. Tu souffres dans ton coin, moi, c'est pareil. On a refait nos vies à ce qui paraît. Et comment ça se fait qu'on se rappelle? Je pense à toi, c'est trop. Oh, c'est chaud. Oh, oh. J'en peux plus, c'est trop. Parano, par amour. Pardonne mes maladresses, c'est trop beau pour être vrai. Parano, par amour. J'ai beau t'aimer à mort, je ne sais pas comment faire. Parano, par amour. Je ne sais plus quoi faire. Parano, par amour. J'attends ton appel. Une chose est sûre, c'est qu'avec toi, je suis pas le même. Je suis devenu un homme avec la plus belle des femmes. Le passé, son messagerie, je crois que le bonheur m'appelle. Je nage dans un paradis en oubliant les flammes. Aujourd'hui, la vie nous a séparés. Tu souffres dans ton coin, moi, c'est pareil. On a refait nos vies à ce qui paraît. Donc, comment ça se fait qu'on se rappelle? Je pense à toi, c'est trop. Oh, c'est chaud. Oh, oh. J'en peux plus, c'est trop. Oh, oh, oh, oh. Aujourd'hui, la vie nous a séparés. Dans ton coin, moi c'est pareil. On a refait nos vies à ce qui paraît, à ce qui paraît. Comment ça se fait qu'on se rappelle? On se rappelle. J'pense à toi, c'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est chaud. Planète Rap avec Ritza, notre invité, son album qui s'appelle Love qui est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça, exactement. On s'est perdu. On s'est perdu. Vous n'avez pas retrouvé? Non, elle est perdue, elle est partie, je ne sais pas où elle est. Farid Oussama qui sont là aussi avec nous, vous retrouvez pareil sur le web également. Petit avis, petit débrief du morceau. C'est naze, frère. C'est nul, moi j'aime pas. Bon, allez, vas-y, cassez. C'est lourd. J'aime bien, c'est de les inviter. On kiffe ce qui fait Ritza. Non, franchement, allez acheter, c'est du lourd, c'est du très, très, très, très lourd. On va pouvoir découvrir cet album toute la semaine entre 20 et 21 avec avec Ritza sur Skyrock dans Planète Rap. Session live aussi, il y aura un petit peu de live tout à l'heure. Ouais, et il y en aura deux là aujourd'hui. Très bien, donc il y aura quoi, le lié? Lié et une surprise avec Oussama et Farid. Ils ont sorti le titre Atoz. Atoz. On a décidé de refaire une version exclue là pour Skyrock. Donc ça, Atoz, c'est un de vos classiques, j'ai envie de dire. Atoz. Atoz. Ils vont t'embêter. Fred, eux te lâcheront pas si je dis pas bien. C'est pour ça que t'as vu, je suis en face là. Ouais, tu peux le redire, s'il te plaît, tu peux le redire. Je me suis mis à l'écart. Atoz. Atoz. Bon, vous faites chier, putain. Vous ferez donc ce morceau en live dans quelques minutes. Enfin, une version inédite, une version spéciale. Voilà, une version spéciale parce qu'à la base, c'est pas. Ils l'ont fait avec. Bah, à la base, c'est pas bien. Oh, si, non, si, c'est bien. Base, si, c'est bien, c'est mieux. Non, à la base, c'est un bon son, mais c'est que c'est à la base, il y a un refrain et ils sont en featuring. Et donc là, on a fait une version exprès, quoi. Parce qu'à la base, je suis pas sur le son, moi. C'est ça que je vais dire. Ouais, bah, ils voulaient pas toi au début. Non, ils pensent pas à moi, ces gens-là. T'as bien vu, c'est des faux frères. Ouais. Mais c'est pas grave, je suis gentil, moi. Les mecs sont là, regarde, je les vois, là, ils passent leur temps sur le téléphone. Ces gens, ouais, retrouvez-nous, on fait notre planète rap à nous. Non, ouais, c'est ça, en fait. Ils sont là, ils sont venus prendre leur marque pour plus tard, je crois. Non, jamais. Non. Ah, je rigole. Ritza, Farido, Oussama avec nous entre 20 et 21. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau, Ritza, dans quelques minutes? Et après, il y a le titre Follow, le titre Je me souviens. Très bien, on va pouvoir découvrir ça. Exactement. Ne bougez pas, le Planète Rap Ritza, c'est le retour juste après ça. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète. Ce soir, Planète Rap Ritza, en direct sur Skyrock. Il est avec nous tous les soirs de la semaine, Ritza, sur Skyrock, entre 20 et 21. On écoutait Gradure à l'instant, Jamais. Quelqu'un que t'aimes bien, Gradure, Ritza? Ouais, j'aime bien. Surtout ce son-là, là, Jamais, je préfère. Jamais, il est fort. C'est extrait de l'album L'Homme au Bob qui fait un véritable carton. Il était à ta place il y a quelques semaines de cela dans son Planète Rap. Ouais. Et bah écoute, c'est le même parcours, le même carton aussi pour ton album qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Yes. Album de Ritza qu'on découvre. Toi, c'est quoi les influences, toi, rapologiques ou musicales? Ce que t'as beaucoup écouté? Oh, de tout, vraiment. Après, c'est vrai qu'à la base, je suis plus fan de rap. Mm-hmm. Donc j'écoute de tout, vraiment. Comme je t'ai dit, du Gradure, du Youssoupha, du Soprano. Donc plutôt français? Ouais, plutôt français. Pas trop ricain? Bah, de temps en temps. Je comprends pas tout. Et je sais que des fois ils disent des choses un peu bizarres. C'est des vrai. Fois je vois des gens danser et vu les paroles, il vaut mieux pas danser. Ouais, des trucs chelous parfois. Tu vois, on est d'accord. T'es aussi venu avec Farid et Oussama qu'on écoutera en live avec toi dans quelques minutes. Ils sont fous, ces gens-là. Ils sont bien calmes pour l'instant, les gars. Ouais, ils sont calmes, t'as vu, alors que d'habitude. Attends, vous êtes plus fougueux, les gars. On n'est pas encore chauffé. Attends, chauffez-le, vous allez voir. Chauffez-nous. À double France. À écouter dans un instant une version spéciale avec Ritza. Et juste avant, on est promis un morceau avant la pub, c'est le Follow. Voilà, Follow, exactement. C'est extrait de ton album, on l'écoute maintenant. On se follow. On se follow. On se follow. Ça va, ça vit. T'as beau dire ce que tu veux, on est vrai, on reste vrai. J'suis sous les trop d'envieux. J'bois un coup, moi j'déstresse. Sous un bloc dans la caisse, allume une clope, décompresse. J'pars avec la team, on s'éloigne de la tête. Et on se noie dans la tisse, on s'en fume la tête. Me fais pas la bise, j'aime pas les bouches de traître. Ouais, j'regrette, mais j'assume. N'est pas le seum si j'assure. J'suis pas mieux que toi, je le sais. Mais toi, t'en es pas sûr. J'crois pas en toi, ni en nous, ni en Dieu. Trop de fois, j'pars en vrille pour tes yeux. Elle veut mes pesos. J'trahirai pas un frère, moi, pour une vaisseau. J'ai taffé pour être pesa. Du genre à charbonner, bande de cassos. J'm'en fous de soi. Chérie, t'as le démon. J't'ai tendu la main, tu m'as dit donne-moi ta montre. J'suis ailleurs, j'ai pas le temps. J'bronze à Miami, suis-moi, j'te surprends. Tous les jours, c'est ton anniv. On se follow, c'est qu'il y a quelque chose. Tu veux mon cœur, mais mes pesos. Fais du Zeyo, point une gamos. Une petite femme, chérie, vamos. On se follow, il se passe quelque chose. Là, j'suis ailleurs, avec mes sauces. Sam, hello, monte dans le gamos. Tu veux qu'on plane, chérie, vamos. T'es pas dans ma tête, t'es seulement dans mon tel. T'es réel ou un fake? Ton profil m'interpelle. Ne m'embrouille pas si ta go me relook. Ta chérie veut monter dans le Panamera. Là j'ai fait le plan, on part faire un tour. Je vais trouver un bon plan, on improvise, on verra. Faut que je parte loin, sans trop parler. Faut que je me méfie si je me sens pisté. T'as un blême pro, tu fais que regarder. Pélo va là-bas, tu sens le seum à plein nez. Ça répond pas au SMS, mais je vois que ça tweet. Sur le net c'est une bombe, mais en vrai tu flippes. Ça critique à mort, mais je vois que ça kiffe. Tu me parles de problèmes, moi je parle en chiffres. On se follow, c'est qu'il y a quelque chose. Tu veux mon cœur. C'est du Zeyo, prends une gamos. Une petite femme, chérie Barnos. On se follow, il se passe quelque chose. Là je suis ailleurs, avec mes os. Sam, hello, monte dans le gamos. Tu veux qu'on plane, chérie Barnos. Ça va sa vie. Ça va sa vie. On se follow. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Ritza Love, voilà, à découvrir. On se follow. Par l'instant. N'hésitez pas à follow sur Twitter. Eh ben, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, ça fait un véritable carton. On est déjà en top TT. Donc, véritable carton. Ça fait plaisir. Ah ouais, déjà? Ouais, pas vous, Farid Oussama. Mettez-nous en TT, Farid et Oussama. Mettez-nous en TT. Farid et Oussama, s'il vous plaît, mettez-nous en TT. Aujourd'hui, je suis en TT, sinon je sors. Regarde, pas. Là, c'est mendiant. C'est quoi ce. Non, pour l'instant, il y a l'hashtag Ritza sur Skyrock en TT. Voilà, il se passe très bien. Aïe, aïe, aïe, bang, bang. C'est une meilleure vente d'album aussi en digital pour Ritza. L'album, on le découvre, il s'appelle Love. Il peut monter encore, allez cliquer, allez découvrir. Ouais, s'il vous plaît. Et c'est vrai qu'en écoutant, en écoutant des morceaux comme Follow, c'est ça un petit peu ta recette, le secret, c'est où il y a aussi des petites pointes orientales de temps en temps. Exactement, des pointes orientales, aussi un son. En fait, il y a de tout dans cet album. Ça veut dire que tu veux ne pas être bien. Si t'es pas bien, t'as quelque chose à écouter. Tu veux danser, il y a quelque chose. Tu veux cogiter, tu peux cogiter. Mais donc j'ai essayé de tout mettre, on va dire. En même temps, c'est vrai, il y a une vingtaine de morceaux. Hein. Ouais, 20 morceaux, ouais. Donc tu l'as gonflé à bloc. On a travaillé. On le découvre cette semaine entre 20 et 21. On écoutera encore un autre morceau avant de passer au live dans quelques minutes. Et juste avant, je vous présente, c'est Noms de Quimper. Salut Noms. Ouais, ça va. Salut Noms. Ça va, est-ce que tu connais Ritza, toi, Noms? Ouais, vite fait. Vite fait. Est-ce que tu connais? Non, en vrai, j'ai écouté vite fait, tu vois. C'est bien écrit et tout ça, hein, mais c'est pas trop. Il est pas dans le love. Ah, il est pas dans le love. Ça se comprend. Il y a des gens qui aiment pas. Tu as raison, Noms. Non, mais je respecte. Hein. Et c'est Noms, pardon. Non, c'est comment t'as dit? Noms. Ah, c'est parce qu'on m'a mis Noms, c'est Noms. Il a un blaze, lui. Arrêtez, ouais, je rigole, Noms. C'est Marjo qui a craqué. Noms. Non-stop. Et alors, est-ce que tu connais Farid et Oussama, Noms? Non plus. Voilà. Ah ouais, carrément. Stop, coupe-leur leur micro, ils sont fous. Ils vont pas dire ça, ils sont fous. On part sur bonne base. Et cool. Bah, tu vas pouvoir découvrir ça ce soir avant 21h. Tu es prêt à faire ton freestyle par téléphone? C'est ton moment, gros. Ouais, allez, c'est parti. Ouais. On y va. Ok. Yeah. Une histoire plutôt banale que je vais vous raconter là. Dans les poches à 20 balles, de quoi rester coffré chez moi. Dehors tu veux faire quoi? Eh, dehors ça tire la gueule, du coup je me confie à mon banque. Je lui dis me sentir seul, ça fait, je veux pas te mentir, ça fait 4 ans que je suis perdu dans un nuage de fumée. C'est dur de retrouver la vue en vue du contexte actuel. Comment dire que ça va s'arranger? À mon dire rationnel, je fonce et ça va pas changer. Eh, je sais c'est insensé, que dire du monde qui m'entoure. Je cesse pas de penser que la mort c'est un peu du chacun son tour. Pendant que la vie suit son cours, je suis là à stagner. 8h, les yeux rouges en cours, le cerveau même pas réveillé. La nuit, je reste éveillé, miroité sur mon propre sort. J'écris totalement défoncé. Je crois que je vais finir herbivore. J'ai mes dents, mes raisons, des espoirs, des illusions. Mon banquier, moi, dans ma chambre, c'est un peu l'île des tentations. Et sans passion, sans but, tu créeras rien de concret. Vois le futur, pas le passé. Déjà là, il y aurait du progrès. Au final, tes regrets, s'il te plaît. Interprète-les comme une force. Je te jure que j'ai l'esprit ouvert, l'esprit perché dans le cosmos. Cherche la solution, à la cause, que tu fais ne sert à rien. Parler de toi, de tes potes, t'as cru que ça intéresse quelqu'un. Je vais pas te mentir, ça fait 4 ans que les jours se répètent. Du bonheur, je suis figurant, car c'est compté que je l'interprète. Voilà. Ok, Noms. Aïe, à l'instant. Aïe, du old school, ça fait du bien un peu, hein. Bon, hein. Ouais. Bang, bang. Bien. Eh bah, bravo bang, à toi, bang. Noms. Bah, voilà, bah, moi, c'est mon truc à moi. Où est-ce qu'on, peut te suivre, toi, Noms? De quoi? Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Du coup, sur YouTube, genre, ma page c'est Nolan Tobias. Là, il n'y a pas de blaze, c'est mon vrai truc, tu vois. Là, comme tu l'as dit, j'ai pas retenu, gros. Ouais, vas-y, épelle, parce que sinon, on n'arrivera jamais à suivre, Noms. Ouais, pardon, excusez-moi. Nolan Tobias, donc N-O-L-A-N, espace T-O-B-I-A-S. Ok, Nolan Tobias, ok. Nolan Tobias. Sinon, sur Facebook, c'est Noms, N-O-N-S. Cool, ok. Eh bien, on ira guetter ça. Merci à toi, en tout cas, Noms. Bien joué, gros. Bah, merci à vous. Bah, je peux passer une petite dédicace, vite fait? Vas-y, on t'écoute. Bah, je passe une dédicace à Cass, je passe une dédicace à Lilian, et je passe une dédicace à Arnt, et voilà. Eh bah, c'est passé. Okay. Merci à toi, Noms. Merci à vous, et puis bonne soirée. Merci, Noms. Bonne soirée, gros. Bonne soirée. Merci. Ritza avec nous entre 20 et 21. L'album s'appelle Love. On va écouter un morceau dans un instant. Il y aura aussi du live avec vous. Voilà, exactement. Il y aura deux lives. À elle? C'est ce qu'on avec elle, c'est ce qu'on balance maintenant. Ouais, c'est ça, avec elle. Ouais. Un petit mot sur qui c'est elle qui t'a inspiré pour cet album, j'ai l'impression. C'est la musique. Tape en touche, le mec, comment il botte en touche, là, direct. Frappe en touche, là, je me suis replacé sur le terrain, pas de problème. Tu pourras assumer, Ritz. Tu pourrais dire, ouais, il y a eu beaucoup de filles qui m'ont inspiré pour cet album. Ouais. Beaucoup de drames dans ma vie sentimentale. Voilà, c'est ça, exactement. Regarde Farid et Oussama, ils sont là, ils sont tout calmes, ils te regardent. Non, genre, mais aussi, on a vécu ça. On est... Non, mais en fait, on voit le talent de disquetteur, en fait, tu vois. En fait, c'est eux qui sont venus voir, qui m'ont dit, Ritza, parle de mes histoires d'amour, je suis pas bien en ce moment, tu vois. Mais... C'est eux qui t'ont inspiré, en fait. Ouais, c'est le mytho. Ouais, parce qu'ils ont des problèmes avec leurs copines et tout, tu vois. Donc, attention, il y a ma mère qui écoute. Je vais dormir dehors ce soir. Ritza avec nous. Dans un instant, on passe au live. Si, merde. suis dans mon monde, je suis à l'ouest. Y'a qu'avec elle que je suis à l'aise. La seule qui a part tourné sa veste. On est trop loin, qui veut nous taire. Je lui fais du mal, parfois je suis bête. Ça me rend ouf, des fois je batte. Faut que je me calme, sinon je la perds. Je suis différent quand elle me regarde. Souvent elle part en crise. Je vois trop mes gamins. On se marie pas à nos potes. Elle m'a dit vas-y karma. Je sais qu'elle rêve d'un gamin. Qu'elle s'en fout de mon gamos. Qu'elle préfère les câlins. Mais moi je dois faire des lots. On se déchire tellement qu'on s'aime. Amour passionnel, tu peux rien quand ton air sonne. Malgré les embrouilles, t'inquiète pas, nous on se sait. Moi je n'ai rien pu faire à la braque et Nicolas sonne. Je suis plus le même, mais qu'est pas ça. Il m'arrive quoi. Là je suis dingue d'elle, je ne contrôle pas. Pourtant je suis pas comme ça. Ça prévient pas, ça donne des ailes. Ça change ta life. Avec elle, je fais ma vie tranquille. Avec elle, je me suis vu grandir. Niveau love, moi j'étais maudit. Mais depuis qu'elle est là, je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis un danger. Elle m'a changé. Je vais finir par me ranger. J'avoue, elle m'a changé. Des fois, elle a peur que je la laisse. Car d'habitude, je me lasse. Elle dit rien, elle encaisse. Trop de mal à vider mon sac. J'arrive pas à m'ouvrir. Pourtant je l'aime à mort. J'arrive même plus à mentir. Je m'étonne et je reconnais mes torts. On me dit t'es un fragile. Je veux même pas réagir. Allez écouter, ils finiront solo à 30 piges. Elle et moi contre le reste. J'ai déjà choisi ma team. Ils sont femmes devant des corps. Moi c'est son âme qui m'attire. Oh oh, ok toi et moi, c'est du solide, ne t'inquiète pas. Impossible de se quitter. Le passé n'est qu'un détail. Tu le sais que nous deux c'est du sérieux. Avec toi je suis serein. Bisous aux haineux. Pourquoi parler, ça sert à rien. Je t'échangerai pour rien au monde. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je te relève. Si tu tombes on va au bout si Dieu le veut. Et quand tu me parles autour de toi tout disparaît. Je vois qu'on me reconnaît plus. Et que je suis là à ce qui paraît. Avec elle je fais ma vie tranquille. Avec elle je me suis vu grandir. Niveau love moi j'étais maudit. Mais depuis qu'elle est là je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis en danger. Elle m'a changé. Pas manger, j'avoue elle m'a changé. Pas le temps pour les jaloux, babe laisse les parler. Ils ne tiennent pas à moi, nous ça fait des années. Ils s'épuiseront à force, laisse les canner. Depuis qu'on est ensemble, on ne fait que gagner. Pas le temps pour les jaloux, babe laisse les parler. Ils ne tiennent pas à moi, nous ça fait des années. Ils s'épuiseront à force, laisse les canner. Depuis qu'on est ensemble, on ne fait que gagner. Avec elle je fais ma vie tranquille. Avec elle je me suis vu grandir. Niveau love moi j'étais maudit. Mais depuis qu'elle est là je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis en danger. Elle m'a changé. Je vais finir par me ranger. J'avoue elle m'a changé. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Ritza et ce morceau à l'instant qu'on écoutait avec elle avec sur Skyrock. Elle, c'est extrait de ton album Love qui est dispo maintenant, on peut aller cliquer. Disponible sur iTunes. Ah, Farid a parlé, ça y est, il s'est réveillé. Ouais, c'est Farid disponible, Farid, là, tout commence à chauffer là. Ah ouais. Allez, allez, allez l'acheter s'il vous plaît, il est lourd. Pécho. Ou ça, elle pécho, elle a déjà un pécho. Si ça, c'est pas une belle promo. Et en plus de ça, si vous allez choper en digital, vous repartez aussi avec le morceau lié aux côtés de Kenza Farah. Kenza Farah, exactement. Est-ce qu'on, on commence par quoi d'ailleurs? On fait quel live en premier? D'abord celui-là. On finira par. Parce que c'est un bordel. C'est d'accord. Un bordel. Ça va être un bordel. Là, tu vas voir leur vrai visage, vraiment. Tu Fred, il va se barrer d'ici. Fred. Ouais, c'est vrai qu'ils paraissent bien calmes, mais j'ai l'impression que c'est dangereux ça. Les mecs plus calmes, c'est les plus dangereux. Le calme avant la tempête. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Et ben on y va pour le live avec Kenza? Ouais voilà c'est ça. Nous âmes à jamais liés. Liés. Liés. Liés. On a pris mon cœur pour ça. Tout ça n'est pas pour moi. Je me suis fait des films, je connais déjà l'histoire. Tu me trouveras distant, ne me demande pas pourquoi. Quand on m'a tendu la main, moi j'ai souvent dit au revoir. J'ai toujours tout donné, crois-moi j'ai très peu reçu. Au final jamais été comblé, à chaque fois déçu. J'ai essayé d'y croire, j'ai fini perdu. Je voulais rester loin mais ton attention me perturbe. Oui j'avoue, oui ça tourne. Tu joues des tours, tu es bien fou. À moi oui j'avoue, oui ça tourne. Tu joues des tours, nuit et jour. Kelly, dans mes filles, toi, je suis pas facile à gérer. Je vais faire des efforts, ok, au tir, j'irai. Mais en moi, je suis pas sûr, mais au moins j'essaierai. Je sais que t'es pas comme les autres, pas là par intérêt. Oublie tes craintes et tes faux. Big up à Kenza, Kenza Farah. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées. Liées. Liées. Liées. Liées. Liées. apprendre à me faire confiance sans devenir parano. L'amour m'a ouvert ses bras, j'ai fini par prendre un chaos. Trop de meufs dans ma vie ont voulu me passer l'anneau. Direct j'ai pris la fuite, j'ai bloqué les numéros. Mais toi t'es différente, tu contrôles mes faits et gestes. Quand tu me parles c'est fou, j'oublie tout et je suis à l'ouest. À ton jeu je me laisse prendre, j'avoue qu'au fond ça me plaît. Si t'y crois on y va pas du genre à retourner ma veste. Oui j'avoue, oui ça tourne, tu joues les tours, je deviens fou. À moi oui j'avoue, oui ça tourne, tu joues les tours, nuit et jour. Ce soir je t'appartiens, on fait les choses bien. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie qu'on parte loin. T'auras gagné quand tu contrôleras mes humeurs. Tu m'as convaincu, tous les chemins mènent au bonheur. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Big up à Kenza Farah. Nos âmes à jamais liées. Liées. En live, lié. À l'instant, le morceau lié, Kenza qu'on salue aussi. Voilà, gros gros big up à Kenza Farah, merci à elle d'être venue sur ce titre. Ouais, Kenza qui a débarqué comment d'ailleurs sur le projet avec toi, sur son morceau lié. Encore une fois, via Justin Records. Mm-hmm. C'est ton label. Voilà, mon label qui l'a appelé et voilà, ils ont répondu présent, ils ont fait vraiment le travail, on l'a clippé, tout s'est bien passé. Une artiste vraiment simple, la tête sur les épaules, donc ça fait toujours plaisir de travailler avec des gens comme et ça. Et allez voir, il y a les images, hein, le clip est dispo. Exactement, lié sur les réseaux sociaux. Voilà. Ritz avec nous, c'est l'homme aux 65 millions de vues. Il est là avec nous tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Farid Oussama, on en a combien dans le décompte pour vous? Le single, attention. Donc tu leur expliques la question, ils sont pas compris. Ils ont pas compris, non, parce qu'on parlait des 65 millions de vues, donc pour vous, vous en êtes où là? Ah, nous on est à 550 000 en une semaine. Ouais. C'est vrai? Mais ouais. Ça, c'est sur une vidéo, ça, vrai? Ouais, c'est un truc, mais non, ça, c'est pas leur ensemble. Leur ensemble, c'est pas l'ensemble de l'œuvre. C'est pas l'œuvre. Ah, on a beaucoup, beaucoup. En fait, vu que c'est sur Facebook, ils ont pas tout additionné. Moi, sur YouTube, ça s'additionne tout seul, mais eux, ils peuvent pas compter. Ils ont pas encore. Ouais. Ils doivent aller facile à 10 millions. Combien? 10 millions, les gars, non? Sur plus. Plus sur Facebook. Excusez-moi, sur quoi? Sur Facebook. On t'excuse. Voilà. T'as vu, c'est l'ego qui prend dessus. C'est pas des amis, je crois que plus jamais je les reverrai, ces gens-là. Ouais, c'est bien des invités pour la première soirée, c'est fini après. Non, t'inquiète, j'ai écouté qu'une envie. Bon, en tout cas, c'est cette jeune génération qui est en train de tout déchirer sur le net, qui est invité cette semaine entre 20 et 21 dans Planète Rap avec l'album de Ritza. Est-ce qu'on est prêt pour faire maintenant votre live? Je crois que. On est prêt! Ah, t'es prêt toi? On est prêt! Vous voulez pas finir par ça? On est prêt! Prêt! Tu veux finir par ça? Ah, moi je croyais qu'on finissait par ça. C'est pratiquement la fin donc. Il y a pas d'autres sons à présenter après. C'est la fin. C'est la fin, on peut y aller. Les gars, vous êtes chauds ou pas? Très chaud. Montrez-leur hein, parce que là, vous êtes attendus. Hein. T'inquiète. Vas-y. On s'occupe de tout. M'inquiète. Vas-y, on va. Bang bang. Sniff. Ça fait bang bang. Okay. Les gars. Bang. C'est les gars. Tu fais la belle go, mets tes chums. Tu fais le beau, mets tes seuls. On fait du bruit, t'as le seum. Attends, là j'ai vu une meuf. Quoi? C'est bon les gars, c'est une meuf. Vas-y, chante. Ok. Demande à Justin, toujours dans les temps. Même en Twingo, on est toujours élégant. Et ça m'aille faride. Ouais, on va faire faride. C'est bon, chante. Ah, vas-y. Agit ch'tah, agit torkos, dis-ma mzien, dis-ma beau gosse. Allez bouge, allez danse, allez lève-toi, vas-y chante, vas-y viens, vas-y ose, tu viens pas? Triple tense, c'est quoi? Apple. Ah ok, c'est ça gros. Tous ensemble, on danse sur le tempo. Maître affiche, oublie tes blèmes pro. Vas-y viens, arwa, arwa. Vas-y viens, hashtag, hashtag. Pour mes blacks, mes blancs, mes beurs, on va danser jusqu'à pas d'heure. Vas-y viens, arwa, arwa. Vas-y viens, hashtag, hashtag. Tu fais la belle go, mets tes chums. Attends. Tu fais le beau, mets tes seums. Attends. On fait du bruit, t'as le seum. Attends. Attends, là j'ai vu une meuf. Attends. Tu veux la belle go, mets tes chums. Attends. Tu fais le beau, mets tes seums. Attends. On fait du bruit, t'as le seum. Attends. Aywa, aywa. Yalla, yalla. Ashta, ashta. Arda, arda. Paris, y'a Paris, y'a Oussama, y'a Oussama, y'a Fred Musa, y'a Fred Musa, y'a Ritza, y'a Ritza, y'a une chicha, une chicha, Goût Pizza, Goût Pizza, sur Skyrock, on fout le halal. Bang, tu fais bang. La golfe de jeune. Attends. Tu fais le beau, mais t'es seul. Attends. On fait du bruit, t'as le seul. Attends. Attends, là j'ai vu une meuf. Attends. Tu veux la belle go, mais t'es seul. Attends. Tu fais le beau, mais t'es seul. Attends. On fait du bruit, t'as le seul. Attends. Attends, là j'ai vu une meuf. Attends. T'as ses pères, c'est super. T'as ses pères, c'est super. Mais t'as ses pères et c'est super. T'as ses pères, mais c'est super. Elle t'as ses pères, c'est super. T'as ses pères, mais c'est super. Pizza à ses pères, c'est super. Eh, hey, ils sont fous, quoi. Bang, bang. À l'instant, en live. Atoz. En fait, on l'a écrit à exactement 30 minutes. C'est ça, je disais. Ça a été fait à l'arrache en live. C'est juste pour vous, tu vois, mais... Morceau bon. Atoz avec Farid et Oussama. Farid, Oussama, rappelez où est-ce qu'on peut vous retrouver justement pour les gens qui veulent découvrir des vidéos inédites. Ouais, moi, sur mon compte Facebook, Farid Ben Salah. Moi, Oussama El Fatmi. Ah, et ça sonne déjà, c'est parti. C'est parti, les mecs, c'est parti. Donc, allez guetter, allez voir leurs vidéos. T'as vu, ils ont chanté, ils te calculent plus. Non, ils s'en foutent, les mecs. Moi, c'est bon, j'en ai marre, quoi. Là, je me suis trompé, là. Et donc, il y a pratiquement une vidéo par jour, donc. Ouais, quasiment. Sauf aujourd'hui. Quoi qu'il y en ait une, là, maintenant. On peut la voir, on la remettra aussi sur le Skyrock FM, sur le planetrap.skyrock.com. Ritza, l'album s'appelle Love, on le découvre tout le long de la semaine. Tu veux une chicha goût pizza? Tu vois, ça les a marqués, j'en étais sûr. C'est vraiment fou. Une chicha goût pizza. Love. Eh, faut innover. Il faut innover. Ça va être les égéries de la prochaine chicha. Oui. Chicha goût pizza. Ça va être chelou, le truc. Ah, tu me manques. Pizza, tranquille. Une petite pote. Pomme, ça glisse tout seul, c'est très bien ça. Freddy Bonnet. Juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock. Skyrock t'offre les toutes premières places pour la tournée Maître Gims. Allô Ludivine. Oui. Ça va bien, je te présente un garçon qui s'appelle Ritza, qui est avec nous tous les soirs de la semaine. Salut Ludivine. Oui, il y a aussi Farid Oussama qui. Ah, ils sont bloqués sur leur portable. Qu'est-ce que vous avez, les gars? On dirait que ça va. Ah ouais, parce que. La famille qui vous envoie des messages ou quoi? Non, mais c'est sa maman avec qui rentre là tout de suite. Non, non, non, t'inquiète, on est là. Je vous présente Ludivine, Farid Oussama. Ludivine, enchanté Ludivine, ça va? Oui, ça va, ça. Mais attends, non, rien. Elle habite Bergerac, vous connaissez Bergerac? Non, Bergerac, c'est où je connais, moi. Bien, arrête ça. Exactement. C'est où Bergerac? C'est vers Bordeaux. Ouais, ah, d'accord. Ah non, c'est trop loin, laisse tomber, c'est mort. Et elle vient faire tourner la roulette pour choper ses places, pour aller voir Maître Gims en tournée. Chance. Dès que tu veux, tu dis stop, Ludivine, c'est parti. Ok, ça marche. Stop. Stop, oui. Petit stop, tout mignon, tout gentil, stop. Tout tranquille. Il faut efficace. Et bah voilà. Ludivine, écoute ça. Ah oui, d'accord, génial. Et bah c'est deux places. Là, tu vas faire plaisir, hein. Le 11 décembre, alors ça peut paraître loin, mais c'est, les places sont en train de s'arracher. Il y en a deux pour toi, c'est le 11 décembre à Bordeaux, Ludivine, pour aller voir Maître Gims. Ok, c'est génial, merci. Je te fais des bisous, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Salut. Bonne soirée, Ludy. Salut, bonne soirée à tous. Merci. Et bientôt à Bergerac, Farid Oussama, on vous envoie là-bas, ça vous fait ouais. bien de découvrir Bergerac. Ah ouais, ils vont boire du vin. C'est quoi tous les messages que vous recevez là depuis tout à l'heure, parce qu'ils n'arrêtent pas de sonner? C'est goût chicha, je crois, ça a choqué tout le monde. Goût pizza, goût pizza. Goût pizza, ouais, la chicha goût pizza, ouais. Ouais, en fait, on en cherchait la rime avec Ritza, on s'est dit, ouais, c'est ça, merde, c'est pizza. Le plus simple. On s'est dit, c'est on y va. Le truc le plus simple, quoi. Bon, merci pour cette première soirée en tout cas. Merci à toi en tout cas. De retour demain entre 20 et 21. Demain, n'oubliez pas, sur les réseaux, vous pouvez choper l'album tout de suite, quoi. Et ben, on peut aller cliquer tout de suite, vous repartirez aussi avec en plus ceux qui le prennent en téléchargement légal. Repartez avec le morceau lié avec Kenza. Farid Oussama, on vous revoit dans la semaine, c'est fini. Oui, ils vont peut-être passer, je ne sais pas. Peut-être. Ouais, pas ils sont partout et nulle part à la fois. Il y aura encore du freestyle, il y aura encore du live à Toz. Ah, pas de soucis, on est là. On verra, c'est bon. On va changer goût pizza. Il va falloir qu'ils travaillent un peu. Bon, merci à vous en tout cas pour merci cette soirée. Toi. Merci à toi. Demain, 20-21. Et là, nous allons retrouver D-Fool tout de suite, normalement, qui doit être connecté. Eh oui, oui. C'est là. Ah, D-Fool. Salut Ritza. Ça va ou quoi? Ça va. Ça va très bien. Bon, des nouvelles d'Orléans, tout va bien? Tout va bien, Orléans, tout va bien. Tout va bien. L'album, c'est. Alors, on dit Love ou L-O-V-E? Love, allez, Love. On peut dire, ouais, on peut dire les deux. Parce que moi je prends tous les renseignements, je découvre tout dans Planète Rap comme vous. Ah bah c'est bon, c'est ça, il faut. Hein. Pareil, tous les soirs. T'es branché. Et oui, c'est parti. Demain soir, 20h-21h. Exactement. Le retour. Et c'est ta semaine, tout au long de la semaine, t'es là jusqu'à vendredi. Exactement. Il y a moyen que tu me follow, tu demandes Antoine. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez pendant Planète Rap. Je vois les messages qui défilent. Allez-y. Vas-y, on va essayer. Et c'est vous qui êtes en top TT là? Ouais, on est en top TT. Oui. Bravo Fredo. Trop fort, ouais. Bah. Oui. Sacré Fred. Hein. Ah, il est fort ce Fredo. Hein. Il est chaud. Hein. Ah ouais. On t'avait prévenu avec ça avant que tu viennes. Ah ouais, ça je savais, mais j'étais déjà passé, j'avais vu tout de suite. Par contre, on n'a pas vu Farid Oussama, dommage pour eux. Hein. D'accord. Avec son tricard de tété, quoi. C'est vrai, grave. Alors Farid, c'est demain votre tour alors? peut-être. Ou dans la semaine, ils repasseront en tout cas. D'accord. Ouais, on verra. Bah, merci à vous en tout cas, Radio Libre. C'est parti dans un instant sur Skyrock. Bonne soirée à toi, Ritza. À demain, Fred. Ciao, ciao. Et nous, au 01 53 40 30 20, on ouvre tout. C'est parti. Standard ouvert. L'équipe est là. Vous êtes en direct. Tout, absolument tout. Marie est ouverte. Marie. Je ne t'entends pas. Frère. Non, c'est pas grave. Ah, ça y est, je t'entends. Qu'est-ce que t'as dit comme connerie? Non, rien, c'est pas très grave. Je disais, comment ça va le week-end bien passé? Oh, très bien. Journée de la femme hier, des droits de la femme, bien. Écoute, génial. Super, Marie. T'es éclaté. J'ai bien fêté ça. Très bien. T'imagines. On imagine. Il en faut peu pour faire une fête. Ouais, c'est clair, ouais. Tous les moyens sont bons. Tout est bon pour faire la fête et nous, on va en profiter ce soir. Et on va démarrer avec le nouveau Major Lazer, le nouveau DJ Snake et le nouveau Mo, c'est la même chose. Mo, c'est la fille, DJ Snake. Vous connaissez, il était avec nous vendredi dans la Radio Libre. Et Major Lazer, il est passé chez Emric la semaine dernière, entre le 16-20. Et ben voilà, ils sont tous les trois sur le morceau. Ils ont même tourné un clip, tu sais où, Fredo? Non. En Norvège. Ah bah ouais, mais elle est non, elle est danoise. En Suède. Pourtant, Mo. Oui, je mélange, effectivement. Elle est suédoise et ils l'ont tournée en Norvège. Ouais. Elle est danoise. Elle est danoise et ils l'ont tournée en Norvège. Ah voilà, c'est ça, ok. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, dans le Nord. C'est le bordel. Ouais, dans les pays du Nord où il fait froid. Là où il fait super chaud, quoi. C'est ça. Exactement. Bon, c'est le premier son de la soirée. Puis on vous attendait maintenant au 01 53 40 30 20. C'est parti pour la Radio Libre. À demain, Fredo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. On y va.